Bonjour et bienvenue dans la neuvième séquence du cours sur l'économie du web. Cette séquence est la seconde consacrée directement à l'économie du web. Après avoir parlé de multitudes et de réseaux dans la précédente, nous nous intéresserons ici aux stratégies des firmes et surtout à leur tendance à la constitution d'oligopoles, oligopoles à franges, et oligopole qui, pour le monde occidental, est concentré quasi exclusivement aux États-Unis. Cette séquence est aussi la dernière de la deuxième partie du cours, celle consacrée aux études de terrain, avec notamment vos billets et les discussions qui les ont accompagnés. Vous devez en tirer les leçons par une synthèse, selon les modalités expérimentées à la fin de la partie précédente. Vous aurez donc, la semaine prochaine, deux synthèses de vos camarades à réviser pour les aider à les améliorer. Il s'agira bien entendu de celles d'autres auteurs que ceux que vous avez déjà révisés. La partie suivante sera consacrée au débat au travers de webinaires et supervisée par Benoît Éperon. Enfin, n'oubliez pas aussi de boucler les discussions sous vos billets par une synthèse générale des idées supplémentaires apportées par vos camarades ou par des internautes extérieurs. Comme toujours, je suis bien curieux de vous lire bientôt. Bonne réflexion, bonne rédaction et au plaisir donc de vous lire.